Na bunda mago pindie. Mabunda mago pindi magenjambi njambiye. Mabunda mago pindi magenjambi njambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Mabunda mago pindiye. Mabunda mago pindi magenjambe njambiye. Mabunda mago pindi magenjambe njambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe magenjambi njambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Ipendai. Ipenda onyimani mani eguda utombono za timu nyenge ipenda ipenda onyimani mani eguda utombono za timu nyenge ipenda ipenda onyimani mani eguda utombono za timu nyenge yao. Ependa onyimani mani eguda utombono za timu nyenge i ependa onyimani mani eguda utombono za timu nyenge i ependa onyimani mani eguda utombono za timu nyenge i Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mokadikadie. Mobongo angadie mokadikadie. Tata nzambe, mobongo angadie mokadikadie. Mobongo angadie mokatandambe genuwe. Mobongo angadie mokadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mokadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mokadikadie. Mobongo angadie mokamijonga na meka. Mobongo angadie mokadikadie. Mogombo. Mobongo angadie mokatata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mokatata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mokatata nzambe, nzambe, mobongo angadie mokatata nzambe, mobongo angadie mokatata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mokatata nzambe. Merci beaucoup. Soyez tous les bienvenus sur le Baobab. Bonsoir à toute la famille. Merci pour ceux qui sont en train de me suivre. J'aimerais ici donc, sous le sceau de mes ancêtres, sous le sceau des grands maîtres invisibles, gardiens des arcanes secrètes, surtout mes ancêtres de l'Afrique, particulièrement de mon Gabon profond, dans toutes les grandes forêts. Je citerai mes ancêtres de Bouété, mes ancêtres du Djembe, mes ancêtres du Boutiakoua, mes ancêtres du Mboudi, mes ancêtres de Mungalabaissom, mes ancêtres du Njobi, et tous les ancêtres, notamment donc tous les grands génies, et lesquels ancêtres que je cite parce que beaucoup étaient initiés dans ces différents milieux, que ce soit mon grand-père Mbombo Martin, que ce soit ma grand-mère Sanjia, Sanjia qui était à la fois Benga Sake, elle était également initiée dans ces pratiques. Donc ici, donc, par le sceau et le pouvoir de tous mes ancêtres de l'Afrique et particulièrement celui du Gabon, je vais pouvoir donc commencer à dire les vérités. Et j'aimerais donc, sous la protection de ceux-ci et sous la protection des génies des diverses contrées de l'Afrique, que ceux-ci puissent être sur ma langue afin que tout ce que je dirai n'offense personne, afin que tout ce que je dirai ne soit que la vérité, rien que la vérité qui vient sous leur inspiration et que tout orgueil de ma part soit complètement anéanti. Merci beaucoup, merci, merci, merci encore, merci. Ainsi donc, ce soir, vous avez vu le sujet. C'est un sujet qui peut-être va pouvoir faire couler beaucoup d'encre. Mais non, pas du tout, parce que sous Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana, rien n'est tabou. tout ce que nous parlons ici sous le feu et l'influence de la torche indigène léguée et laissée par mes ancêtres et qui me guide dans cette grande lumière pour avoir accès aux arcanes secrètes, pour avoir accès aux chambres secrètes que seuls, rien que les initiés ne peuvent avoir accès. Alors, ils m'ont demandé pouvoir parler un peu plus de ce sujet, car ça fait plus de 2 fois que les gens m'ont toujours posé la question sur ce sujet de pouvoir brûler les livres saints. Est-ce qu'il est normal que nous devons brûler les livres saints? Alors, c'est cette question que j'ai décidé de venir répondre. Je ferai tout mon possible d'être moins parlant, car il y a un deuxième sujet qui suivra à celui-ci. Donc, allons-y droit au but. Les livres saints. Qu'est-ce que nous appelons les livres saints? Eh bien, les livres saints, ce sont tous ces livres-là qui ont été, selon l'entendement, selon l'arrangement de certaines religions, en commençant par d'abord la religion juive. La religion juive, donc, avait été, dit-on, détentrice du savoir, c'est-à-dire de la Bible que nous voyons aujourd'hui. Et là, il y a des conflits parce que certains peuples noirs revendiquent qu'effectivement, ce livre saint qu'on appelle la Bible ne serait pas forcément un livre, comment dirais-je, qui viendrait des juifs blancs, Donc ce conflit, je ne viens pas ici faire ressortir cela. Moi, ce que je veux faire venir ressortir ici, l'importance, pour ceux qui viennent de rentrer, bonsoir à vous à nouveau. J'ai déjà souhaité la bienvenue à tous qui me suivaient sur Tata Nzambe le Tout-Puissant. Je n'ai averti personne, mais merci pour tous ceux qui veillent 24 sur 24 sous le Baobab, que ce soit au niveau de WhatsApp ou encore sur le Tétagramme. Merci d'être fidèle toujours. Donc, disais-je, je ne veux pas ici enflammer ce sujet par rapport à l'appartenance ou par rapport à la revendication ou de la propriété ou les droits d'auteur de la Bible, de ceci et cela, car cette Bible, je vous dirai la vérité, c'est un livre assez complexe de par son édition et de par ses différentes traductions qu'il y a eu à gauche et à droite, car chaque groupement religieux a tiré sa conclusion, a tiré son interprétation par rapport à la compréhension d'abord individuelle d'un individu qui a voulu imposer son dogme et sa compréhension. Donc j'appelle ça que les Bibles ont été traduites en fonction de ce que j'ai toujours appelé des programmations. Mais ici, juste pour vous donner juste cette petite genèse sur la complexité de ce livre. Par contre, le Coran, lui, il ne souffre d'aucune contestation, aucune, surtout en termes de l'authenticité et en termes de la transcription et de la traduction, parce que c'est le seul livre sacré qui n'a pas été traduit dans plus d'une seule langue, car le Coran reste toujours lu et compris en arabe, car la langue de l'islam, et plutôt la langue arabe, voulais-je dire, est la seule langue moyen ou véhicule de transmettre la vision du prophète Mohammed et la vision du Dieu Allah, selon le prophète. Parce que comme ceux qui ne le savent pas, j'ai été musulman, mon nom c'est Abdurzak, donc j'ai suivi les principes et surtout je suis rentré dans la chambre secrète de l'islam qu'on appelle le soufisme. Donc, le Coran ne souffre pas trop d'attaques de ce type comme la Bible l'a subi, pour la simple raison que le Coran n'a pas mis les unes traduites. Pardonnez un peu les caprices de la technologie. Comme je disais, le Coran n'a pas trop souffert de ce problème de traduction, multiples traductions, mais il y a eu simplement des transcriptions, c'est-à-dire on essaie de transcrire pour une meilleure compréhension de la langue arabe. C'est la seule religion, comment dirais-je, c'est le seul livre saint qui n'a pas voulu enlever l'esprit traditionnel originel, c'est-à-dire qu'une religion qui doit avoir son pouvoir sur ses adeptes doit parler dans une seule langue et unique. La Bible l'était au départ, car ça, vous souvenez-vous que la Vulgate, qui est la traduction latine, parce que la Bible est partie de l'araméen, l'hébreu, pour pouvoir être traduite en latin, en grec d'abord, et ensuite on a une version Vulgare qui devait partir du grec au latin. Dans le temps, voilà pourquoi aujourd'hui la Bible, ceux qui sont les détenteurs de cette Bible qui a été arrêtée à l'an 325 de notre ère, qui détiennent le monopole de cette Bible et qui ont imposé la compréhension de ce livre à travers le monde, et de qui sont nées toutes les autres sectes chrétiennes, car ce que j'appelle la secte chrétienne, c'est-à-dire l'Église catholique au départ était l'unique et la première à avoir fondé l'Église catholique apostolique et romaine, et c'est elle qui a arrêté cette compilation de 66, de 66 petits livres après un choix minutieux et l'élimination minutieuse et malicieuse des autres livres considérés comme des livres apocryphes. Mais je vous dis la vérité, c'était des livres trop dangereux, diront-ils, parmi lesquels j'ai toujours cité le livre d'Enoch, l'évangile de Thomas, l'évangile de Jude, l'évangile de Jacques, les frères de Yahshua. Donc, ceci étant, pour vous dire que les autres religions qui ont vu le jour, c'était des mouvements sectaires, christiques et chrétiennes, qui sont devenus des religions importantes. Je fais tout de suite allusion au XVe siècle, notamment à partir de Martin Luther, qui était allemand, premier protestant, et le protestantisme vit le jour, à cause des contradictions notoires, ici observées ça et là dans le catéchisme et la Bible, par étude de comparaison. Le seul exemple qui me revient à l'esprit et que je ne peux point échapper, c'est cet exemple qui nous sort des documents latins, 648-150, qui date de 1550, par Jules César, qui, au cours d'une grande réunion, la réunion à laquelle il a été intronisé pape, je ne sais plus le rang qu'il occupait en ce temps, mais je vous amène en l'an 1550. Veuillez vérifier dans les archives. Ce monsieur donc dira, la Bible, voici un document dangereux que nous devons ôter des mains du peuple, car si le peuple se rend compte de la contradiction qui vont pouvoir remarquer entre le catéchisme que nous leur donnons et quand ils vont faire leur propre recherche dans la Bible, ils se rendront compte des contradictions et cela va du coup donner un coup pour nos intérêts et nous allons perdre nos intérêts et par conséquent nous allons perdre beaucoup de membres. Oui, cela ne fit point faux parce que le protestantisme vit le jour et à partir du 18e siècle, les religions virent le jour et à partir d'ici des États-Unis bien sûr et du 18e siècle, nous arrivons au 19e siècle avec des mouvements ça et là appelés des mouvements des églises adventistes du premier jusqu'au 7e jour. Et ensuite, nous avons vu les églises pentecôtes qui virent également le jour. Et ensuite, nous avons vu vers le 19e siècle, toujours, l'arrivée en pompe d'une religion secte à l'époque, car n'ayant pas atteint plus de 10 millions d'adeptes jusqu'à ce jour, un mouvement appelé étudiants de la Bible, dont notamment la Watchtower Bible and Tract Society, les témoins de Jéhovah. Ceci qui, en 1862, précisément, dans les années 1866, Charles Taze Russell, et le mouvement, lance le mouvement et finalement crée sa propre structure et crée sa propre traduction, c'est-à-dire la traduction appelée la traduction du monde nouveau, qui est une Bible qui est lue par les témoins de Jéhovah. Et ensuite, nous aurons finalement d'autres traductions qui vont voir le jour. À partir de 1887, c'est pas moi qui le dis, il y aura une traduction, celle de monsieur que vous connaissez très bien, qui a écrit celle-ci. C'est un monsieur qu'on appelle Louis II. Louis II, d'ailleurs, le reconnaîtra. Et Dieu merci qu'il a été honnête avec lui-même. Il écrira ceci. La Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament compilé, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs, et qui par la suite devenant la Vulgate, donc du grec au latin. Et voilà pourquoi je n'ai pas fini ma pensée. Au Vatican, le pape et tous ceux qui sont autour de lui ne prient qu'en latin. C'est fait à dessein. Donc, c'est cette traduction donc, traduite, écrite par M. Louis II, docteur en théologie, et lui-même il le dit que son édition, cette Bible, est une édition qui a été revue et corrigée en 1887. Et souvenez-vous la réunion de 1884 à Berlin, toujours en rapport avec la Bible qui a été tronquée et trafiquée. Il était très important que je vous amène dans cette histoire pour faire comprendre que cette Bible qu'aujourd'hui certaines personnes menacent de brûler, doit-on la brûler? Je vais vous donner des faits historiques, des faits, scientifiques, pour vous dire, à partir de cette analyse, vous pouvez vous-même trouver la réponse si oui ou non nous devons détruire la Bible, d'abord. Et pour ne pas dire même le Coran, parce que dans mon exposé ici, je vais pouvoir parler de deux à la fois. Bien, comprenons bien que la Bible, comme nous le savons, composée de 66 livres aujourd'hui, malheureusement, alors qu'il y en avait beaucoup. Je vous amène à la réunion du mois d'août 1973-74. Ça se passe à Bangui. Et là-bas, à Bangui, il y aura une grande rencontre très importante, une rencontre pompeuse qui va réunir tout le clergé chrétien et même d'autres associations religieuses non chrétiennes étaient y conviées. C'est le pape Pie, pour ne pas dire celui qui était là avant le pape Jean-Paul Ier, qui va présider cette rencontre de Bangui, une rencontre dite « Renforçons notre conversion du peuple africain, car le peuple africain ne veut plus, s'entête à rester ancré dans leur tradition. C'était ça le but de la rencontre de 1974 à Bangui. Donc, c'est ainsi que le pape, dans le temps, décidera de créer une tradition qu'on appelle TOB, traduction écuménique biblique. Et l'objectif donc de la traduction écuménique, si vous avez cette tradition, j'en détiens une, c'était de ramener l'esprit authentique, c'est-à-dire ramener des livres qui étaient considérés comme des livres apocryphes, tels que les livres des sagesse, les livres des Maccabées, les livres de TOB, les livres de... comment il s'appelait, de Tobie, voulais-je dire, les livres d'Enoch, les livres de Thomas, l'évangile de Thomas, les livres de l'Apocalypse de celui que vous appelez, de celui qu'on appelle Pierre, celui qui avait été enterré les pieds en haut, les pieds en l'air et les bras en bas, donc sous la croix. Donc sa révélation, malheureusement, n'a pas été retenue. Donc du coup, l'objectif de cette rencontre de Bangui en Afrique, avait pour justement but de pouvoir imposer encore l'homme noir, car les hommes s'étaient toujours entêtés à leur tradition. Surtout après la réunion de 1884, il n'y a pas eu de retombées assez importantes pour l'Afrique. C'est ainsi que l'éveil a été constaté à partir de la fin de la Première Guerre mondiale et début Deuxième Guerre mondiale, où nous avons vu les tirailleurs sénégalais, l'expression tirailleurs sénégalais, ça n'a rien à voir avec les Sénégalais qui étaient amenés, mais c'était toute une communauté noire africaine qui était qui avait embarqué l'armée française pour pouvoir les aider à cette Seconde Guerre mondiale, de la résistance de M. Mussolini et M. Hitler et tout ça. Je ne vais pas vous amener là-bas parce qu'il y a toujours un rapport avec la religion. Mais M. Hitler, vous connaissez son comportement aussi hostile face à ce peuple juif. Justement, il décida lui aussi de détruire cette Bible. Bref, la question donc, elle est très fondamentale. D'abord, surtout nous, en tant qu'Africains, je vous ai amené donc dans un esprit général universel. Maintenant, je vous amène en tant qu'Africain. Ceci, je vous amène donc vers le XVIIe siècle. Je suis donc en 1694-1698. Ce sont des dates peut-être qui ne sont pas historiquement accordées ou pour ne pas dire acceptées par la plupart des gens. Mais selon les archives secrètes et qui sont même des archives réelles, on nous dira que durant cette période, l'homme noir avait toujours vécu dans le succès avec ses royaumes à gauche et à droite. Nous ne connaissions pas des scissions. Mais à partir donc du XVIIe siècle, un esprit maléfique, pour ne pas dire au XVIIIe siècle, vers les années 1700 et quelques, un esprit maléfique donc, pardonnez-moi l'expression, c'est un langage peut-être religieux ou choquant, mais pardonnez-moi, à certains moments je vais utiliser le langage religieux. Donc esprit maléfique, je vais dire, il y a eu des individus très mal intentionnés, notamment... Les églises protestantes qui vont venir avec une interprétation ô combien honteuse et bizarre, comme quoi l'homme noir est désormais l'être à abattre. Donc ils vont justifier donc leur esclavagisme sur la base du livre de l'Exode, où on parle de M. Noé qui se serait saoulé la gueule, qui après avoir s'être saoulé la gueule, se retrouvera nu devant ses enfants et ses petits-enfants, et que parmi ses enfants... paraît que le petit-fils qui avait été maudit serait le premier noir. Donc, du coup, le protestantisme a justifié de cette guerre aux noirs. Donc, la traite négrière a été légalisée conformément aux écrits bibliques. Mais là, je vous informe que ceci a été justifié simplement par une interprétation du protestantisme. Je ne vais pas donner le nom de ce protestant qui était à l'origine de cela, pour éviter de soulever ici des choses qui n'ont pas... Je ne veux pas soulever des polémiques, mais l'histoire est là pour nous le dire, que c'est le protestantisme, et tout le monde le sait, qui avait poussé notre frère blanc à pouvoir passer à cette phase de la traite négrière. Donc, nous connaissons l'histoire amère. Maintenant, ça, c'est un souvenir amer. Ceci est une raison justifiée, assez suffisante, pour pouvoir, n'est-ce pas, amener certains de nos frères noirs, africains, que ce soit noirs, population noire d'une manière générale, parce que cette rage, je la vis tous les jours ici auprès du peuple noir américain. Cette rage, je la vis dans mes forums. Voilà pourquoi j'ai amené ce sujet. Parce que lorsque beaucoup de mes followers, beaucoup de gens qui me suivent, adeptes ou initiés ou disciples, certains, lorsqu'ils découvrent ces vérités à travers les initiations qui leur sont livrées ici par votre humble serviteur, que ce soit des initiations douces ou fortes, interposées ou par des connaissances qui éveillent leur conscience spirituelle et divine, Donc, par ces connaissances, ça crée ce qu'on appelle une révolte. Et cette révolte entraîne une révolution intellectuelle et en même temps une révolution mystico-spirituelle. Donc, suite à ce secouement interne, cette forme de colère pousse certaines personnes. Que faut-il faire de ce livre qui a été à l'origine de toutes nos merdes, à toutes nos difficultés, qui a amené le colonialisme dans toutes ses formes, que ce soit colonialisme politique, économique, social et tout, et religieux, spirituel, embrigadage de conscience, lavage de cerveau et tout cela, perte totale de notre intellect noir, intellect africain, au profit d'un intellect étranger. Donc tout cela secoue des souvenirs de ces souvenirs amers font en sorte que beaucoup aujourd'hui ont une colère amère vis-à-vis des livres saints. Donc, alors je ne peux pas ici leur interdire d'avoir cette haine, cette envie de pouvoir détruire la Bible. Alors, là, il y a des raisons justifiées. Et la deuxième raison, celle-ci, je l'ai eue autour du feu, auprès de mon grand-père, qui, vers les années 1900, je m'en souviens, nous parlions de cela, à peine a-t-il pris sa retraite de l'armée de l'AEF, de l'Afrique équatoriale, une à laquelle retraite, je parle de mon grand-père, M. Mbombo Matin, qui était le beau-frère de ma grand-mère, Sandjia, et qui épousait la petite sœur de Sandjia, ma grand-mère. Donc, M. Mbombo me racontera que, effectivement, son père a été victime de beaucoup de choses. Son père, donc, le père à mon grand-père, celui-ci, donc, a vécu ces moments difficiles de déportation. Donc, certes, au niveau du Gabon, ça n'a pas été trop brutal, mais c'était, surtout sur les côtes, c'était très violent. Il y a des négociations qui se passent. Bref, alors, voici la révolte qui, aujourd'hui, pour les nouvelles générations, surtout les enfants qui sont nés par moi, qui sont nés par des gens de ma génération, des générations 60 et 70, et même notre génération à nous, ça révolte beaucoup, parce que la deuxième raison fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, cela, à cause de la mémoire collective, ces souvenirs amers reviennent, c'est-à-dire que la façon avec laquelle le colon était arrivé, venir brutaliser nos ancêtres, arracher tous leurs fétiches, arracher les masques, arracher leurs fétiches, qu'ils appelaient fétiches, ce qui était en fait nos pouvoirs, arrachant tout cela, et aujourd'hui, tous ces fétiches et pouvoirs et autres symboles et autres totems sont en souffrance dans les grands musées de l'Europe, malheureusement. Si vous partez à Paris, au musée de Louvre, le musée de Paris, vous verrez tous nos fétiches, tous nos masques, tous les crânes de nos ancêtres, et même les corps de nos ancêtres antiques, de l'Égypte antique. Je parle des momies. Non seulement certains sont au niveau d'Alexandra, au niveau de l'Égypte, à Memphis, en Égypte, mais malheureusement, aujourd'hui, nous retrouvons certains momies qui ont été, je pourrais dire, pardonnez-moi, je ne suis pas trop méchant, mais j'appelle ça un vol. Pourquoi prendre ces corps? Pourquoi prendre les corps de nos reines, de nos rois, et les exposer dans un pays d'Avalan? Moi, je ne sais pas, c'est la question qui se pose. Et ceci, donc, pour tous nos frères et sœurs qui sont bien ancrés dans le retour à nos rites et traditions africaines, le retour à la conscience collective, individuelle africaine, le retour aux sources. Donc, tous ces mecs-là, du coup, se disent, mais c'est une moquerie pure et simple. Pourquoi nos masques, pourquoi nos fétiches, tous nos pouvoirs, pourquoi notre patrimoine culturel, ancestral, se retrouve au pays d'Avalan, et qu'aujourd'hui, on nous impose la religion d'Avalan. Et ça, ce questionnement permanent a fait en sorte que beaucoup d'entre vous qui me suivez, beaucoup d'entre vous qui est également dans d'autres milieux spirituels et mystiques, alors, trouve une raison valable de dire qu'il vaut mieux détruire la Bible. Jusqu'ici, je reste dans une position de neutralité. Donc, la même chose pour le Coran. J'ai vu certaines personnes détruire le Coran. Parce que ce qui se passe au milieu de certains pays, à cause du terrorisme, à cause de l'extrémisme. Et ma position, c'est quoi dans tout ça? Je ne vais pas vous garder longtemps. Doit-on brûler les livres saints? Voilà mon point de vue en tant qu'initié. En tant qu'initié, qui va au-delà de toute considération haineuse ou quoi que ce soit. N'oubliez pas qu'en tant qu'initié, nous, notre objectif, c'est de faire passer la connaissance. Et à travers cette connaissance, nous sommes guidés par le flambeau de l'amour. Cet amour, comme Mandela le prêchera, que l'ennemi n'est pas notre ennemi, mais il est ennemi de lui-même et il se détruira lui-même. Je répète, l'ennemi n'est pas notre ennemi, mais il est ennemi de lui-même et il se détruira lui-même. C'est une quotation que vous ne trouverez dans aucun livre, mais Mandela l'a dit. Quand je m'étais rendu en 1990, je faisais partie des personnes, nous avons décidé de voyager, aller en Afrique du Sud. Il a dit beaucoup de choses, malheureusement, beaucoup ne sont pas écoutées dans des livres. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité, ce qu'il voulait dire? En réalité, il voulait dire que le pouvoir que nous avons, le véritable pouvoir d'un homme, qu'il soit blanc ou noir, je m'en fous, le véritable pouvoir, il réside dans ce caractère de fermeté. Un caractère à la fois de l'amour, mais un amour ferme, un amour également la vérité. Mais le comportement barbare, c'est-à-dire la barbarie physique, n'était pas nécessaire, mais que la barbarie intellectuelle, mystique, mystico-spirituelle serait la bienvenue. Donc, nous, en tant qu'initiés des arcanes secrètes, nous ne voulons pas encourager la jeunesse d'aujourd'hui de brûler les Bibles, de brûler les Corans. Car, pardonnez-moi, c'est malheureusement la vérité, ce n'est ni la Bible ni le Coran qui est auteur de tous les crimes, de tous les désordres qui se passent aujourd'hui. Mais ce sont les détenteurs et les utilisateurs de ces livres saints. Je vais vous donner les quotations de l'un des maîtres de l'église, des églises chrétiennes, c'est-à-dire Yahshua. Il a un conflit avec les sanhédrins, les chefs religieux. C'est écrit, je crois, dans le livre de Jean, chapitre 8. Allez-y me lire ce chapitre et vous découvrirez tout ce que je vous dis. Là-dedans, Jésus, dépassé, ce Jésus des chrétiens, dépassé par un grand débat, il arrivera à la conclusion suivante. Il dira à tous les badauds, c'est-à-dire tous ceux qui observaient avec étonnement et avec confusion, où il faut aller, où il faut se rendre, car ces sanhédrins et docteurs de la loi, ils connaissaient bien la loi de Moïse, ils connaissaient tous ces 10 commandements, portant des belles robes dorées, des robes en or, en diamant. Mais voilà un mec qui vient couvert de poussière, hein, c'est un Jésus, et qui vient leur parler d'un nouveau enseignement qui n'a rien à voir avec ce qu'on leur a prêché. Donc les mecs sont dans la confusion. Et voici la réponse que Yahshua va leur donner. Faites selon ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas selon ce qu'ils font. Je répète, Yahshua dira, faites selon ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas selon ce qu'ils font, parce qu'ils disent, mais ne font point. Et quelque part dans un livre, je crois, de Pierre et de Thomas, j'aime bien la quotation de Thomas, Thomas dira, chers frères, nous sommes déterminés à être sur la voie de l'évolution et de la conscientisation individuelle afin de nous connecter à la conscience collective. Faisons tout le possible de ne pas être trouvés, qu'on nous trouve irréprochables. Faisons tout notre possible que notre esprit, notre âme et notre traité absolu soient irréprochables. Alors, évitons de chier sur les écrits sacrés. Car les écrits sacrés restent les écrits sacrés, mais nous les humains, nous passons. Mais les paroles des sagesses et des écrits sacrés restent d'éternité en éternité, car elles serviront à toutes les générations, que ce soit des générations aveugles, des générations scientifiques. Elles serviront à tous les degrés de compréhension. Ces écrits sacrés serviront également aux scientifiques, serviront aux hommes sages et aideront l'homme de s'élever à comprendre que les perles de la vie se trouvent là-dedans. Salomon, qui était un homme sage, le conclut dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre dernier, verset dernier, donc le chapitre 12, le verset 15-16, si je ne me trompe pas, il dira ceci. Trop de discours, ça fatigue la chair. Trop de prêches, trop de prédications, ça fatigue la chair. Trop de bruit, laquelle parole, je crois, Jésus s'était référé, que je vous cite toujours dans Matthieu chapitre 6, en disant que ce ne sont pas tous ceux qui se font voir en criant Dieu par-ci, par-là, dans des coins de rue, ainsi de suite, qui réellement sont des enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu, ce n'est pas ça. Donc vous comprenez que toutes ces quotations scientifiques, Thomas en a développé dans son chapitre 4, malheureusement, lequel évangile n'est pas disponible au peuple. Mais vous pouvez télécharger cela. Ça existe. Je ne sais pas si ça existe en français, mais je l'ai en anglais. Donc, pour comprendre que la Bible que vous voyez, vous n'avez aucun droit de la détruire. Simplement parce que les utilisateurs, simplement parce que les gens qui ont utilisé, et oubliant que cette Bible, pour votre information, elle n'a pas été écrite par des blancs. Non. La majorité des écrivains, ce n'était pas des blancs. Comprenez? Je commencerai par le premier, celui qui, au XVIe siècle avant Jésus-Christ, a reçu la révélation de Teta Mongali Banga Banga, Moussa Abou, celui que les chrétiens appellent Moïse. Savez-vous que c'était lui le premier écrivain? Celui qui a écrit la Genèse, celui qui a écrit l'Exode, il s'appelait Moïse, Moshe, Akhenaton. Il était chef des chefs du temple d'Égypte. C'est-à-dire que c'était lui qui était le chef de tous les prêtres. Il avait atteint le degré le plus élevé. À l'âge de 40 ans, il était déjà Akhenaton. Mais ce n'était pas suffisant. Il est parti chez son beau-père Jétro pour 40 ans. Et c'est ainsi, à l'âge de 80 ans, à 80 ans, il était nanti maintenant des pouvoirs. Donc, vous comprenez le 8, le nombre 8, c'est très important dans l'évolution mystique et spirituelle. Bref, donc, pour conclure que la Bible, les scientifiques l'utilisent. J'ai toujours donné beaucoup de citations. Dans le livre de Daniel que vous voyez, ce livre de Daniel a servi à au décryptage. Le décryptage du livre de Daniel a servi à la compréhension et la fabrication de l'Internet. Vous comprenez? Oui, c'est le livre de Daniel. Allez-y, faites des recherches. Est-ce que c'est parce que je suis initié que je le sais? Peut-être. Mais il y a des gens qui le savent, il y a des scientifiques qui le savent. Aujourd'hui, l'Internet que vous avez, qui me permet, là où vous êtes assis chez vous depuis la France, depuis Douala au Cameroun, depuis Ndiolé à Lambaréné. Pardonnez-moi mes habitants de Ndiolé. Je suis désolé de ce malheur qui vous frappe, le déluge. Je veux dire, toute la ville d'Ndiolé est dans les eaux. Pardonnez-moi mes chers frères. Je sais, il y a quelqu'un qui avait l'habitude de me suivre, mais aujourd'hui, à cause des eaux, la personne ne peut plus me suivre. C'est dommage. Donc, de là où vous me suivez, que ce soit Internet ou l'ordinateur que vous voyez, ça a été créé à partir du livre de Daniel. Savez-vous que le livre d'Ézéchiel et de Daniel, de comment il appelle, d'Ésaïe, qui nous parle d'une bête bizarre qu'on appelle le Léviantha. Vous verrez que chez les religions, vous dire le Léviantha, c'est le diable. C'est tout à fait normal. Ils ne peuvent que l'associer au diable. Parce qu'on nous dit que c'est une créature bizarre qui a un venin dangereux. Quand il éjecte ses venins, ce venin-là peut aller d'un endroit à un autre, détruire beaucoup de personnes. Et tous les esprits de la terre sont aux commandes. Tous les esprits de la terre sont soumis au venin de cette bête, de cette créature bizarre marine, une créature marine, parce qu'elle vit dans les eaux, qu'on appelle la Léviathan. Savez-vous que les hommes qui ont créé ce qu'on appelle les sous-marins, les engins les plus dangereux du monde, un seul sous-marin a la capacité de détruire tout un continent. Ah oui, les Russes, les Américains, ils en sont en possession, et même les Français, ils en ont. Donc, le sous-marin que vous voyez, c'est ça, ça a été fait à partir de cette allégorie de l'Léviathan. Parce que quand vous voyez le sous-marin, il a la capacité d'éjecter des missiles sous-sol. Des missiles sol-sol, à distance, projetés depuis les eaux, dès la profondeur des eaux, à 100 mètres, voire 500 mètres en profondeur des eaux, il peut éjecter cela. C'est ça le Léviathan. Donc, la Bible que vous voyez, elle n'a pas été seulement écrite par, comme vous dites, des prophètes, soi-disant qui appartenaient à une lignée chrétienne. Non, non, non, non. Il y a eu l'intervention des scientifiques. C'est un livre qui est à la fois scientifique. C'est un livre qui est à la fois romantique. Allez-y lire le livre des Ecclésiastes ou le livre de Salomon, le livre des Cantiques des Cantiques, qui déclare l'amour de Salomon à l'égard de cette belle femme noire. Livre de poèmes, livre de sciences, et livre même de révélations de vous-même, et livre même qui vous parle lorsque vous lirez le livre des psaumes. C'est un livre qui vous permet de résoudre des problèmes au quotidien par des équations. Les mathématiques que vous voyez ont été découvertes à partir de certains livres de la Bible. Voyez-vous? Mais les gens qui ont écrit la Bible, c'est qui? C'était des philosophes. C'était certes ce que vous appelez aujourd'hui des prophètes, c'est-à-dire des gens qui étaient branchés, qui recevaient des révélations. Je vous ai cité le cas de Moïse. Il était vers les années 1513 jusqu'aux années 1500. Je crois 40 et quelques, il a écrit pas mal, vous voyez les livres de Genèse, mais malheureusement on nous dit qu'il y a eu seulement combien de livres, vous comptez bien, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, 5 livres, mais il manque 5 autres, ils sont où? Moussavou avait écrit 10 livres au total, parce qu'il a écrit des livres de son aventure initiatique qu'il a reçue chez son beau-frère Jethro. Bref, par exemple, si vous rentrez en possession de ces livres, je crois que j'ai déjà montré ça ici lors d'un enseignement, ce livre, par exemple, le 8e livre de Moïse, le 8e et le 9e, on vous montre des formules, des grimoires, des techniques magiques qui permettent de fabriquer certains talismans, donc des contenants ou des réceptacles qui vous permettent de capter des forces cosmiques universelles, qui vous permettent de fabriquer pas mal d'objets magiques, appelons-le ici, donc des objets qui détiennent certains pouvoirs. C'est le livre, le 8e et le 9e livre de Moïse que j'ai appris ça. Bon. Dans l'évangile de Thomas également, j'ai appris là-bas des techniques qui permettent de sortir d'un empire. Dans la révélation de Pierre également, là, il explique mieux la révélation de Jean. Parce que Jean, souvenez-vous, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 1 et 2, il nous dit quoi? Et l'Esprit en haut lui dit, viens ici, monte, monte. Vous voyez, là nous avons une définition scientifique de la téléportation et de la bilocation conscient et inconscient. C'est pas moi qui l'invente. Je vous cite des citations qui sont écrites dans la Bible que nous voulons détruire, la Bible que vous voulez qu'on brûle. Mais comment pouvez-vous comprendre celui que nous considérons aujourd'hui comme ennemi, notre frère Balaam, par ignorance, il devient notre ennemi, parce qu'il a utilisé la même Bible pour nous traquer, pour nous maltraiter, pour nous faire du mal. Mais certains hommes intelligents ont compris que dans cette même Bible, vous pouvez les ridiculiser. Vous pouvez ridiculiser notre propre frère Balaam pour leur prouver que effectivement, c'est vrai, vous avez utilisé ça comme une arme pour nous détruire, mais nous pouvons également utiliser cela comme une arme pour comprendre pas mal de choses. Aujourd'hui, vous savez très bien que les premiers scientifiques du monde, c'est des Noirs. Et tout cela nous est décrit où? Mais lisez très bien, comprenez le livre, le sixième et septième livre de Moïse. Il vous explique très bien cela. Les constellations, les mouvements des étoiles. On en parle légèrement dans le livre de Genèse, lorsqu'on nous parlera de Isaac qui, lorsqu'il est allé chercher les différentes épouses, vous connaissez l'histoire de Rachel qui avait les yeux bizarres, pourquoi elle est le mot en français, je ne sais pas. Et là, pendant que, au lieu de se tracasser trop l'histoire des femmes, parce qu'on lui amène la petite sœur, oh, elle ne me plaît pas, on l'amène la grande sœur, oh, elle a les yeux bizarres tordus, on l'amène la cousine, oh, c'est pas ça. Vous connaissez l'histoire qu'on devait trouver une femme pour Isaac. Mais on nous dit que dans le firmament, il passait tout son temps à observer le mouvement des étoiles. Oui, le livre des Genèse en parle seulement. Mais savez-vous qui est le livre des Genèse? C'est bien Moussarou, Moïse, Moshe ou encore Akhenaton. Akhenaton, c'est pas pour rien qu'on lui a donné le grade d'Akhenor, Akhenaton. Aujourd'hui, on traite les prêtres de fous, de magiciens. Mais dans le temps, c'est des gens qui étaient détenteurs de toutes les sciences du monde. Et Akhenaton, Moussarou, en était un. On nous dit qu'il reçoit le pouvoir au bûcher du feu, sous l'arbre qui brûlait. Mais quand le feu apparaît de nulle part, il parle avec qui? Mais il parle avec Teta Mwanga, le dieu du feu, le dieu des pouvoirs, qui se révèle en lui. Voyez-vous, il est le dieu de feu, il est le dieu des eaux, il est le dieu de l'air, il est le dieu de ceci et cela. Mais il s'incarne en nous, mais nous sommes lui, de manière exprimée, nous exprimons son existence. Donc, cette Bible, vous voyez, est une science complexe, mais vous voulez la détruire. Aujourd'hui, je dis que brûler la Bible, ce serait un acte trop brutal, s'il vous plaît. Brûlons-la spirituellement, je m'explique. La Bible, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dedans, il n'y a pas que tout ce qui est mauvais. Je vous ai toujours donné les quotations de cette même Bible, parce que j'ai des frères qui étaient pensés être mes ennemis, mais aujourd'hui, même des prêtres, je vous l'ai dit, des pasteurs, qui sont maintenant dans mon école, qui rentrent dans mes initiations, qui comprennent maintenant la profondeur de mes enseignements. Pourquoi? Mais parce que j'étais membre de... Les gens connaissent mon histoire. J'étais un témoin de Jéhovah. J'ai un diplôme en théologie. J'ai étudié la Bible à profondeur. Il n'y a pas deux peuples sur Terre qui connaissent mieux la Bible que les témoins de Jéhovah. Ça, je peux vous le garantir. Vous comprenez? Donc, c'était un avantage. Et c'est ainsi que je suis sorti avec ce passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. C'est un passage que j'ai toujours cité, que tout ce qui est dans la Bible, si vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qui est là-dedans. Il faut avoir la sagesse de comprendre que là-dedans, vous avez des parties scientifiques que vous pouvez exploiter. Je vous ai parlé le cas de Révélation ou Apocalypse, le chapitre 4, du verset 1 jusqu'à 3. Ce verset, vous le lisez plus d'une fois, vous comprendrez que là, il s'agit de la bilocation, la sortie en rampire. Donc, Jean, l'Esprit lui dit, sors. Viens ici, monte, monte. Mais comment vous pouvez monter physiquement? Comment cela? C'est impossible. Et lui-même, il s'explique d'ailleurs. Il dira dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, il dira, et l'esprit qui était là me demandera en esprit, me demandera de monter en esprit. Et je fus emporté en esprit. Donc, être emporté en esprit. Maintenant, quand vous êtes initié, si vous ne comprenez pas ce phénomène, comment vous allez convaincre un chrétien, un pasteur, un prêtre de comprendre que quand ce verset dit qu'on est sorti en esprit, c'est tout simplement la bilocation. Donc, troisième preuve scientifique. La Bible, on peut l'utiliser également pour une meilleure compréhension de ce que j'appelle la parapsychologie. Ce n'est pas moi, c'est une science qui existe. votre humble serviteur est diplômé. Je suis diplômé en parapsychologie à l'Institut américain de la Californie des phénomènes métaphysiques, des phénomènes paranormaux. OK? Monsieur Patingema, donc, je crois qu'il a fait le même institut. Renseignez-vous, il a appris là-bas. C'est en Californie où c'est toutes ces grandes écoles de métaphysique là. Donc, on appelle ça la parapsychologie, étude du paranormal. Voyez-vous? Et cette étude du paranormal, quand je suivais mes cours, surtout à partir du quatrième chapitre, je voulais dire à partir du deuxième trimestre, on nous a parlé de cette étude-là sur le livre de l'Apocalypse. Et c'est là où on nous a bien fait comprendre que ce livre à lui seul est en train de nous justifier ce qu'on appelle la sortie astrale ou bien ce qu'on appelle chez nous en Afrique, sortir en vampire. Parce que vous lirez le chapitre 4, le chapitre 7, le chapitre 11, le chapitre mais combien 15. Et je reviendrai au chapitre 14, où Jean dit qu'il sort en esprit. Et on lui montre le nombre de mecs qui vont être là-bas, 144 000 personnes. Et on lui dit qu'il va en esprit. Vous partez au chapitre 15, c'est la même chose. Au chapitre 19, l'esprit l'amène. Et il se rendra lui-même en esprit. Et il dira, de là où il était, il regarde la terre. Mais franchement, entre nous, vous allez regarder la terre et avec un corps physique. Donc, voilà, ça c'est la quatrième preuve. La cinquième preuve, allez-y, mais lis le livre de Lévitique. La pratique magique, elle est bien expliquée. Comment vous pouvez faire votre sanctuaire? Vous avez constaté qu'au début de mon enseignement, c'est un encens qui m'a été donné par mes maîtres indiens, et on trouve cet encens au Tibet. Vous constaterez que cet encens, c'est comme ça s'est passé. C'est une technique ancienne. Vous brûlez votre encens, et cet encens qu'on brûle a un but bien déterminé. Voilà l'encens que je brûle. Mais c'est un bois. C'est un bois que je suis en train de brûler. Mais ce bois-là, c'est un bois qui a été étudié par nos amis indiens, qui, normalement, si un sorcier veut vous atteindre à distance, même à travers l'écran, parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de le faire. Donc cet arbre-là va contrer cette âme nuisible ou ces âmes nuisibles qui ont venu vous attaquer dans votre sanctuaire. Bon, je n'ai pas peur, je brûle. C'est parce que c'est ce que les Romains, les maîtres m'ont demandé de faire avant de commencer la cérémonie de mes enseignements. Parce que mes enseignements, c'est aussi une forme de cérémonie. Donc, mes frères, je peux vous donner jusqu'à 15 preuves, mais le temps court, qui nous prouvent que la Bible n'est pas un livre, à titre foncier religieux. Ce n'est pas un titre foncier religieux chrétien, je voulais dire. Les chrétiens ne peuvent pas revendiquer, sinon les musulmans vont revendiquer la même chose. Parce que si vous lisez le Coran qu'on nous a toujours appris depuis l'école primaire, qu'on nous a appris que le Coran est divisé en deux parties, il y a la partie de la loi civile et la partie de la loi religieuse. Mais laquelle loi religieuse est influencée pour la plupart des temps par les principes de Moussa Abou, donc de Moussa. Les musulmans appellent Moussa Abou Moussa, ou Moïse, Akhenaton, chez les Égyptiens là-bas. C'est comme ça. Quand vous allez fouiller les archives secrètes de l'Égypte, vous verrez le nom Akhenaton. Quand vous verrez le nom qu'Akhenaton, là, c'est Moussa Abou, c'est-à-dire c'est Moïse. Il n'y a pas une autre personne. Voyez-vous? Donc, chez les musulmans, on l'appelle Moussa. Mais quand vous lisez bien les écrits de Moussa, mais c'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, des machins, des noms, mais oh, sauf qu'eux, ils ont d'autres appellations. Vous avez l'évangile des gens. Vous savez comment les musulmans l'appellent? Je vous en parle parce que je suis un musulman, moi. Abdurazak, c'est mon nom, je vous l'ai dit. L'évangile des gens s'appelle l'évangile de Yassine. Mais l'évangile de Yassine, c'est quoi? Mais c'est tout le protocole de la compréhension du soufisme. C'est là, dans l'évangile de Yassine, on vous apprendra des techniques. Vous pouvez guérir les gens par les sons, par les lettres. Parce que les lettres alphabétiques arabiques, de l'arabe, vous faites des compositions avec certains nombres, à certaines heures, ainsi de suite, et vous le composez. Voilà. Mais quand vous revenez maintenant dans le livre des gens de la Bible, les juifs m'ont appris, par exemple, une technique toute simple. Pour les hommes qui rêvent d'avoir des parties un peu, hein, le muscle, le troisième pied. Si vous voulez avoir un troisième pied qui est impressionnant, mais dans la pratique kabbalistique des juifs, on nous dira que vous prendrez l'évangile de Yassine, pardon, l'évangile des gens. Mais vous prendrez l'évangile des gens, vous ouvrez votre Bible, et vous prendrez les testicules de cabri que vous allez faire bouillir pendant un temps. Et quand vous faites bouillir ces testicules de cabri, ils sont en train de se référer au livre de Lévitique. Parce que dans le livre de Lévitique, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19, il y a des principes, des fonctionnalités. Les hommes qui avaient des problèmes d'impuissance, les femmes qui avaient des problèmes pour satisfaire leur mari, mais vous comprenez que toute cette toutes ces connaissances scientifiques, ils sont. Mais parce que les religieux vous influencent seulement sur l'aspect dogmatique religieux. Oui, un Dieu saint, ceci, cela. Mais il ne faut pas que là-dedans, on traite de tout, et même des parties privées de l'homme. Vous allez, moi, je vais dire à un pasteur tout de suite, ou bien quelqu'un qui va me suivre, que, oh, monsieur, on vient venir nous dire que non, il y a des versets de la Bible qui nous disent comment on peut développer le troisième pied. Mais c'est écrit dans le livre de Lévitique, c'est bien décrit là-dedans. Et je vous le confirme, les Juifs qui m'ont appris cela, je vous cite toujours le nom, c'est M. Pierre Manoury, qui est un grand ésotériste, scientifique, mystique, reconnu en France et en Europe. Renseignez-vous qui est Pierre Manoury, il a écrit beaucoup de livres. Moi, j'ai suivi des séminaires auprès de lui. Et c'est auprès de lui que j'ai appris ça. J'ai expérimenté et ça marche. Vous prenez, les testicules du cabri, vous faites bouillir ces testicules longtemps, après vous formez des boulettes. Donc, vous prenez les noisettes, ceux qui sont africains, au Gabon, vous connaissez ce qu'on appelle les noisettes. Vous prenez ces noisettes-là, que vous allez également faire chauffer au soleil, après un temps, et vous ouvrez ces noisettes, vous mélangez les noisettes avec les testicules de cabri, vous pilez, et vous formez des boulettes. Et quand vous formez ces boulettes-là, vous allez mettre un peu du miel sauvage, ok, qui n'est pas filtré, bien sûr. Vous mélangez le tout et vous prendrez votre Bible. Vous prendrez votre Bible, mais il faut lire ça en langue hébraïque et en latin. Je vous le répète que là-bas, au Vatican, les gens lisent la Bible selon la version Vulgate, donc traduit du grec au latin. C'est pour garder le pouvoir mystique de la Bible. Donc, vous, les Bibles que vous lisez en français, là, ça n'a pas de pouvoir. Moi, j'ai ma Bible, là, en araméen. Il y a des Bibles, il faut lire la Bible. Vous voyez, les musulmans, ils lisent leur Coran en arabe. Voilà pourquoi c'est très efficace. C'est la langue magique. Comment dirais-je ? La religion doit utiliser une langue magique conductrice de miracles pour votre égrégore. Donc, le pape, il utilise le machin. Donc, vous lirez Jean chapitre... C'est même où là? Jean chapitre 1. Voilà, c'est le fameux chapitre là. Jean chapitre 1. C'est ce que les Juifs m'ont appris. Mais si je suis un menteur, demandez à M. Manoury, parce que c'est celui qui m'a appris ça. Et c'est la vérité, je vérifie auprès des machins, des grands rabbins. On nous dira que, voilà, l'évangile des Jean. M. Manoury, dans le stage, il nous avait expliqué, et j'ai confirmé ça auprès d'un rabbin. Vous avez donc les boulettes, qui est une composante des noisettes avec les testicules de cabri que vous avez bien pilés comme une boulette et mélangés avec un peu du miel sauvage et vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 1er, à l'envers. Et c'est compliqué ce que je vous dis là. Comment ça se passe à l'envers? Dieu était parole, là et Dieu avec était parole, la parole était commencement au... Vous faites le contraire, donc vous lisez, mais là je lis en français, mais vous devez le lire en latin renversé, ou en hébreu, ou encore araméen renversé. Mais la version que j'ai eue, c'était en hébreu. Donc, vous lisez cela en hébreu renversé. Donc, du dernier verset, que personne n'a jamais vu Dieu. Mais là, vous allez commencer par connaître qu'il a fait celui Père au sein de qui est Fils unique, qui n'a jamais vu Dieu, personne, que Jésus-Christ sont venus vérité grâce par Moïse, donné par la loi et pour grâce. Donc, je suis en train de vous lire l'évangile de Jean à l'envers. Ouais. Ça, c'est une technique mystique, scientifique, en même temps médicale, pour l'homme qui veut développer son troisième pied. Et je ne vous parle pas de conneries. Je vous dis, j'ai cité un nom, Pierre Manoury. Vérifiez qu'il est. Cette technique, je l'ai prise de lui. Okay? Et je l'ai testé. J'ai fait la technique. Au plus tard, 90 jours plus tard, j'ai vu un énorme changement. Et beaucoup de gens que j'ai initiés là-dedans, ils ont fait le test. Ça paraît bizarre. Mais voici un exemple. Je ne vais pas trop m'approfondir sur ça. Un exemple que j'ai pris sur la longueur, le troisième pied. Il y a d'autres cas de maladies. Il y a des maladies que vous pouvez guérir. Là, je ne cite même pas les psaumes. Parce que les psaumes, il faut lire bêtement. Vous lisez bêtement, c'est-à-dire que c'est ça la foi. La foi, c'est croire bêtement et sans chercher trop à vous poser des questions. C'est comme un bébé, on lui dit, bon, tu crois comme ça, et puis tu crois. C'est comme ça. Mais quand vous avez un allo esprit qui réfléchit trop, les esprits vont même vous fuir. Ils vont dire, toi, tu es compliqué. Parce que toi, là, tu es trop intelligent. Ton intellect est influencé par des philosophies que tu ne comprends pas toi-même. Et comment voulez-vous? Donc, pour me résumer, que ce soit le Coran, parce que le Coran, je vous dis, moi, je l'exploite dans le soufisme, ça, dans la compréhension. Allahumma sali, sehirinu muhammadun wa rasulullahi. Allahumma sali. Comment on appelle ça? Dans le giron musulman, Ashonan lo ilalilah Muhammadun wa Rasulullahi. Ibrahim, Moussa, on vous cite tous ces prophètes parce qu'on vous demande dans le giron de citer les noms de ces prophètes-là. Donc ça aide le mec de se sentir à l'aise dans son milieu. Mais qu'est-ce que vous avez à faire pour aller brûler son Coran? Qu'est-ce que vous avez à faire pour aller brûler sa Bible? Vous vous êtes révolté, certes. Aujourd'hui, est-ce que je donne encore ma confiance à ces histoires? Non, j'utilise la Bible, le Coran, juste pour référence. Mais je n'ai pas le droit, en tant qu'initié, qui baigne dans la lumière divine et de l'amour, et de la tolérance et du pardon, ok? Souvenez-vous des paroles de Mandela. L'ennemi est ennemi de lui-même, parce qu'il ne sera qu'ennemi de lui-même. Mais moi, je ne considère pas que c'est mon ennemi, parce que c'est un ignorant. Moi, je baigne dans la connaissance absolue. Pour votre information, Mandela Madiba était un grand initié de nos mystères. Okay? Il appartenait à une grande fraternité qui existe en Afrique du Sud, je ne veux pas faire la publicité, mais je connais cette fraternité. Donc, il était très avancé. Ce n'était pas un maçon comme les gens le prétendent. C'est pour vous dire que lorsque vous avez atteint certains niveaux mystiques, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous avez découvert la vérité divine. Vous avez découvert à travers nos rites et traditions de chez nous. La révolte, elle est là, c'est très révoltant parce qu'aujourd'hui, nous découvrons que nous avons été exploités. Pardonnez le frère Bala. Parce que je vous dis, parmi eux, il y a ceux qui viennent maintenant s'initier chez nous. Voyez-vous? Ils viennent maintenant s'initier chez nous, ils comprennent la vérité. Donc, la Bible, laissez-la tranquille. Elle sert à la science, je vous ai donné des exemples ici. Si on reste ici, là, je promets, je ne vais pas aller au-delà de 50 minutes. Voilà, maintenant, on est maintenant à combien là? Voilà, bientôt, on arrive à une heure, je vais arrêter. Donc, pour qu'on résume, laissez la Bible tranquille. La Bible ne vous a rien fait. Mais ce sont les gens qui l'ont utilisé. Yahshua a dit que faites selon ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas selon ce qu'ils font. Vous comprenez? C'est des docteurs de loi, ils pensent connaître tout. Mais en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. La naissance nouvelle, c'est cette alchimie spirituelle qui vous consiste, pour revenir à mes anciens matières, d'être maître. Vous devez être maître de la matière, maître de l'esprit. Mais quand vous êtes maître en tout et pour tout, maître des quatre éléments, maintenant, qu'est-ce que vous avez à aller brûler un livre saint, s'il vous plaît? Même si ce n'est plus saint, parce que maintenant, au niveau de la compréhension mystique et spirituelle où nous sommes en tant que cosmos, parce que le microcosme avec le macrocosme devenant un, vous formez le cosmos dans l'intimité, dans l'infinitimacité. Donc, du coup, l'âme universelle, dont vous-même vous êtes une partie de cette âme universelle, vous êtes une âme dispersée, ça là, nous sommes des particules divines, des tétas monga, dibangabanga, nous exprimons son existentialité. Tétas monga dans son amour, qu'est-ce que vous allez à foutre? Ne violez plus les lois, vous vivez dans un cycle de karmique. Maintenant, vous connaissez le bien et le mal, qu'est-ce que vous avez à foutre avec la Bible? Cette Bible-là, bien sûr, a aidé certaines populations, a aidé pas mal de gens aujourd'hui. Avant, la science a avancé à travers la Bible. Les ordinateurs, les computers, c'est la Bible. Et tout ceci, la Bible. Je vous ai parlé du troisième pied, c'est la Bible. Donc, laissez cette Bible, ne la détruisez pas. Je comprends votre haine, je comprends votre colère. Mais votre haine et votre colère ne doivent pas être érigées contre la pauvre Bible, s'il vous plaît. Laissez-la tranquille, ni le pauvre Coran. C'est des malédictions que vous allez chercher pour rien. Parce que je vous informe que la Bible est utilisée à plus de 6 milliards d'habitants sur les 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et le Coran également est utilisé à plus de 5 milliards d'habitants sur la Terre. Donc, voyez-vous, ces 5 milliards et les 6 milliards, ils forment un pouvoir grégorique énorme. Vous, pauvre petit crapaud, vous êtes seulement un petit enfant, vous allez prendre la Bible, la déchirer, la brûler comme j'ai vu certaines personnes faire. Mais mon Dieu, vous cherchez des malédictions. La malédiction, ce n'est pas qu'elle vient de Dieu, mais elle vient de cet égrégore. Vous savez que l'égrégore, c'est une énergie magique. C'est une énergie cosmique universelle qui a été créée par un commun des mortels, par la conscience divine, le phénomène de recrutement, et vous avez créé un esprit. Et c'est un esprit par la loi du schisme. La loi du schisme, c'est-à-dire la colère de l'énergie et de l'égrégore vers vous. Mais maintenant, ça va vous sanctionner. Vous êtes devenu maudit. Et moi, j'ai appris ça chez les musulmans. Ils nous disent, Alhamdulillah, maudit est la personne qui ose dire des mensonges sur le Coran. Maudite est la personne qui ose brûler le Coran. D'une manière ou d'une autre, il va être maudit, Inch'Allah. Il va être brûlé. Mais est-ce la vérité? Vous brûlez le Coran? Moi, la plupart des gens qui ont fait ça, aujourd'hui, ils mènent une vie bizarre. Bon, il y a certains qui ont brûlé l'argent, le CFA. Bon, ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas une malédiction. Mais moi, je ne veux pas des livres saints. S'il vous plaît, montrez du respect à la Bible. Parce que je sais que vous êtes en colère. Certains ont dit qu'ils vont détruire, ils vont brûler. Si vous voulez brûler, ne m'amenez pas ça dans mon forum, s'il vous plaît. Si vous voulez brûler la Bible, gardez ça. Faites ça chez vous là-bas. Ne venez pas me montrer ces histoires-là. OK? Je respecte mon frère Balan. La preuve en est qu'aujourd'hui, ils viennent apprendre auprès de nous. Ils viennent s'initier. Allez-y voir au Gabon, au Mali. Hein? Les gens viennent s'initier tous les jours, tous les jours. Donc, ils ont compris, s'il vous plaît. La tolérance. OK? La tolérance, l'amour. Parce que c'est ça que tu es amoureux. Mais quand on est tolérant et amoureux, hein, ou bien on a de l'amour, ça ne veut pas dire qu'on est lâche, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer au deuxième enseignement. Que tu es amoureux, vous bénisse. Et j'espère que j'ai été clair. Doit-on brûler les livres saints? La réponse est non. Maintenant, c'est à votre âme et conscience si vous voulez le faire. Vous avez vos raisons justifiées à le faire, mais vous allez payer cela face à la loi divine. Parce que c'est une malédiction si vous osez brûler la Bible ou brûler le Coran. Je ne le dis pas parce que je suis chrétien ou musulman. Je vous le dis, je ne suis plus dans les égrégores religieux. Moi, je crois et je pratique le rite de mes ancêtres et je suis un enfant de Dieu. Je suis une lumière divine. Je marche avec le Dieu qui a créé l'univers. J'ai une autre compréhension de ce Dieu-là, celui que vous appelez Dieu. Je suis arrivé à un stade où je suis ce Dieu-là. C'est-à-dire, je suis une particule. Je fais partie des différentes particules qui forment cette âme universelle que vous appelez Dieu. Donc, par conséquent, il a utilisé plusieurs moyens de communication. Il a utilisé nos fétiches africains. Il a utilisé nos masques. Malheureusement, ces masques, je comprends votre vengeance. Les masques ont été entraînés en Europe, embrigadés, enfermés dans les endroits qui ne leur conviennent pas, loin du terroir africain, loin de nos grandes forêts, le grand temple universel, le temple du Congo, de Bassin du Congo et tout cela. Je comprends la colère. Mais au même moment, ils sont venus nous imposer leur Bible. Vous voulez vous venger à brûler la Bible? Ça n'engage que vous. Mais moi, je vous en prie, ma position est claire. Je le répète, je vous encourage. Si vous ne voulez pas de la Bible, ne la gardez pas chez vous, mais ne la brûlez pas, s'il vous plaît. Si quelqu'un vous amène une Bible, soyez gentil de dire, gardez votre Bible, je n'en ai pas besoin. Moi, personnellement, je l'utilise simplement pour tenter de faire comprendre nos frères qui la lisent tous les jours qu'ils n'ont même pas une bonne compréhension de ce qu'il y a dedans. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent dans leur propre Bible. Au moins, s'ils appliquaient ce qu'il y a dedans, la vie serait meilleure. On n'assisterait pas à des crimes, on n'assisterait pas à des conneries que nous voyons aujourd'hui. Que tes témoins, Dibanga Banga vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Et si j'ai offensé mes frères chrétiens, pardonnez-moi. Si j'ai offensé mes frères musulmans, astaghfirullah, inshallah, ilayhi lillah. اللهم صل سيدنا محمد ورسول الله عشان لا إله إلا محمد ورسول الله أستغفر الله. Pardonnez-moi mes frères musulmans si je vous ai insulté dans mes propos. Mes frères chrétiens, pardonnez-moi si je vous ai insulté. Mais je crois que mon message est clair. Je n'encourage aucun individu de brûler les livres saints qui ont été laissés par les ancêtres, par beaucoup d'entre eux qui étaient des noirs, qui ont participé à la compilation et à l'écriture de cela. Soyez bénis. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.